Quand la foule tripandait les necks, c'est ça que j'appelle une marche blanche. Préfère les carnets Turner au journal d'Anne Frank. Ariane aux chrétiens radicalisés, cher plus la main aux Untermenschen, que ça soit des chimpanzés ou bien encore des enculeurs de chef. Je veux juste vivre dans mon Lebensraum avec les miens, rien de plus. Et pas parmi les sous-hommes qui chient dans la rue et se branlent dans le bus. Y'a pas de parti à prendre entre l'Ukraine et la Russie. Le mot d'ordre de la race blanche, c'est plus de gaffe fratricide. Si j'ai rien à voir avec ces rappeurs de merde, c'est parce que chez moi la rage de vaincre l'emporte sur la peur de perdre. Quoi de bois, quoi de fer, les mots mettant vont en enfer. J'envoie les négros dans les cordes comme le clan de la grande époque. C'est pas un complexe, j'ai juste conscience de ma supériorité. Approximativement le QI de deux de ces singes additionnés. Que les pétasses restent à leur place, c'est-à-dire la cuisine. C'est le meilleur des endroits pour pouvoir faire la vaisselle. Ariane Corps, première division, Totenkopf sur les cuissons. Rundodal, chemise brune, retour à l'ordre féodal. Meine Heere Destroyer, gravé sur la dague. En plus de ça, y'a mes Yoko posé sur la table. Zélote de la race aryenne, ne connaît pas la marche arrière. L'amour de sa patrie dans le cœur, le fascisme dans la boîte crânienne. J'suis un héritier du Reich, pas un Gogol 88. Groupe sanguin tatoué sur le bras comme une marque des débiles. Nègre is the new black, moche c'est le nouveau beau, des trans en guise des géris. L'art dégénéré, ça a pas l'air de les déranger. Comme un plug anal géant, c'est par une statue du Führer qu'on va remplacer ce genre d'horreur. La pieuvre de Sion, faut lui circoncire les tentacules et renvoyer leurs idiots utiles au bougnoulistan. Quand un cœur se fait péter à Ankara, machallah, on leur marchera dessus comme un seul homme aux disciples d'Erdogan. Reprise de Constantinople par le glaive s'il le faut. Si ça tenait qu'à moi, j'opterais plutôt pour les vitrifier. L'humanisme est une faiblesse, c'est le cas car eux, ils le croient. Immersion totale dans le Styx, mieux cache, il de Troie, prêt à crever comme au Thermopyles. F.I. Altesse, c'est l'antonomasse des xénophiles. Quand ces têtes de cons comprendront enfin ce qui les attend, l'issue pour nous sera plus tragique que des opilantes. Ariane Corps, première division, Totenkopf sur les cuissons. Rundodal, chemise brune, retour à l'ordre féodal. Meine Heere Destroyer, gravé sur la dague. En plus de ça, y'a mes Yoko posé sur la table. Zélote de la race aryenne, ne connaît pas la marche arrière. L'amour de sa patrie dans le cœur, le fascisme dans la boîte crânienne. J'suis un héritier du Reich, pas un Gogol 88. Groupe sanguin tatoué sur le bras comme une marque à des débiles. 1917, la naissance du mal, le cancer de l'humanité, la source de toutes ces métastases. Quoi que t'en penses, gloire aux camarades Koba. Personne n'a tué autant de coco que lui au cours de l'histoire. SPQR, garde prétorienne, génocide des janissaires. Y'a pas plus efficace que de terroriser l'adversaire. Quand je vois les Kardashians, je me dis putain de merde, peut-être que les Ottomans avaient raison. En fin de compte, crime d'honneur si ma fille est une putain nègre. Même tarif pour mon fils si jamais il aime sucer des bites. C'est mauvais présage comme la marche funèbre de Siegfried, ça sera l'ordre à rien, ou bien le chaos juif. La satisfaction de pouvoir dire, je vous avais prévenu a posteriori, a priori, ça fera pas un lot de consolation acceptable. C'est vrai que la nuit est longue et qu'à la longue ça fait chier, donc à nous de faire en sorte que l'aube soit dorée. Ariane Corps, première division, Totenkopf sur les cuissons. Rundodal, chemise brune, retour à l'ordre féodal. Meine Heere Destroyer, gravé sur la dague. En plus de ça, y'a mes Yoko posé sur la table. Zélote de la race aryenne, ne connaît pas la marche arrière. L'amour de sa patrie dans le cœur, le fascisme dans la boîte crânienne. J'suis un héritier du Reich, pas un Gogol 88. Groupe sanguin tatoué sur le bras comme une marque à des débiles. Entertainment Corporation.